émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Niro. Passez une bonne soirée et bienvenue dans le Planète Rap consacré à Niro. Cette semaine, entre 20h et 21h, l'album miraculé dans les bacs depuis lundi. Ouais. Comment ça va ce soir, Niro? Alhamdoulilah, on est là, ça va et toi? Tout va bien? Alhamdoulilah, salam à ma Dream Team, salam à Momo, salam à tous ceux qui sont là. Il y a du monde présent. Salam à toute la France. Une fois de plus, les images, d'ailleurs, vous pouvez les mater hein, si vous avez l'application Skyrock, sur skyrock.fm, les images de l'émission en direct entre 20h et 21h. L'équipe de Street Lourd est là ou une partie? On a perdu. Une partie. DJ Moscou est en route. DJ Moscou. Ouais, après on dit que c'est les Rodeux et les Renois qui sont toujours en retard. Bah putain. Bah non. Et bah dis donc. On veut même plus faire confiance au Babtou, t'imagines? Incroyable. Ce Babtou généreux. Exactement. Mais en retard. Généreux, réglo, mais en retard. Ouais. Bon, on le retrouvera tout à l'heure. Ce soir, on va parler évidemment de l'album. On va découvrir d'autres titres. Il y aura du live ce soir, Nio? Ouais, sûrement. Je vous ai ramené une petite surprise des mecs de chez moi. Il y a Kuro qui est là, il y a Nino Bond qui va découper ça. Et voilà, ce soir, c'est pas le gros freestyle. Hein. Le gros freestyle, ça va se passer demain. Ce soir, c'est exclusivement Kuro et Nino Bond. Kuro et Nino, que tu nous as présenté en début de semaine. Nino que je vous ai présenté en début de semaine. Kuro que je ne présente plus, qui est sur tous mes projets, tu vois. Et puis bah voilà, ils vont nous interpréter le morceau Fourmi, on va vous interpréter ça au calme. Est-ce que tu as vu qui est à mes côtés, Niro? Ouais, j'ai vu qu'il y a un frérot qui, une fois je l'ai rencontré dans le 9-3, j'allais faire un concert là-bas et il m'a vu, il m'a dit: Niro, je fais des dessins sur des t-shirts, machin, je veux faire un t-shirt pour toi. Il l'a fait en combien de temps? En une demi-heure je crois, 20 minutes. Là il vient de commencer il y a quelques minutes. Il l'a fait en 20 minutes. C'est Douas. Tiens, prends juste le micro de 2 secondes. Ouais, donnez-lui le micro. Donc, il a un t-shirt, en fait, pour ceux qui nous écoutent juste à la radio. Il a un t-shirt posé devant lui. Ouais. Il a un pinceau. Il est en train de faire le portrait sur le t-shirt de Niro. Exactement. On lui a donné une photo en live et d'ici la fin de l'émission. Tu vas mettre combien de temps, Douas? Le portrait fini. Ouais, je vais prendre mon temps ce soir. Parce que la dernière fois, au concert, j'étais super speed. Et là, je vais prendre mon temps pour faire un beau truc, pour qu'il soit beau gosse. Bon, il est concentré en tout cas. Hein. Il est bien concentré, Douas. Ah, mais c'est un artiste incroyable. Hein. Il est très fort. Il était venu dans un Planète Rap une fois avec Zao, je me souviens. C'est ça. Voilà. Et j'ai le t-shirt accroché dans le studio. Merci. Tous ceux qui le voient, ils sont traumatisés. Voilà. Donc, on lui donne un peu de force. Il nous donne un peu de force aussi. D'ici la fin de l'émission, on vous montrera le t-shirt pour ceux qui ont la vidéo en live. Et puis, on l'enverra en photo sur les Twitter. Bon, tu l'auras fini avant 21h. Oui. Balourd la question. Bon, merci d'être là en tout cas, Douas. Merci à Niro. On va débuter, merci. Mais juste avant, on va se rappeler surtout ce qui s'est passé hier. C'était une belle soirée encore avec Niro. Ouais. Petit aperçu, petit replay d'hier soir. Willax qui est là aussi, un petit mot sur Willax, Niro. Non, parce que j'apprécie ce qu'il fait, voilà, c'est tout, et puis qu'on s'entend bien. La J-1 de la Coupe du Monde, début de la Coupe du Monde. Ouais. Donc un quiz Coupe du Monde, c'est parti. L'équipe du Maroc, donc qui ne participe pas à cette Coupe du Monde, a participé à combien de phases finales? Moi je dis 6 ou 7 fois. 6, 7 fois. Didier Moscou, 4 fois. Moscou, bravo. Ah, bravo. Ouais, mais lui, c'est un mytho, il avait les réponses avant. Moscou, quand tu veux, tu peux y aller. C'est parti, on y va pour le live. Joue pas les gangsters, voilà, tu fais pas le poids. J'avais des barrettes dans mes couilles, les tiennes avaient même pas de poil. Mon nouveau cri de guerre, ce qui est à toi, est à toi. Si c'était pas aussi haram, je m'en serais fait un tatouage. Parle pas sur mes grossistes, grosse part dans ton cochon. Si t'as pas les coronets, à quoi ça sert d'avoir un gros chiffre? Si je vais t'en faire l'usine, je me sentirais fautif. Être honnête, ça amène la paix, mais pas le chaleur à rochu. Je vais juste remettre un peu l'instru pour Willax, qu'on entend de Monsieur Miro maintenant. Moi c'est Miro, Casablanchot, je n'y vois rien et j'y vois rien. L'embraille, voilà be like. Tu parles en braille, voilà be like. Rien de soleil, même sans soleil. Petit beba comme un besba. Petit béret comme Charles Trumeau. À l'instant, donc, ce qui s'est passé en... Ah, voilà, salam à Willax, t'es un malade, Renoir. Voilà, t'es fou, Renoir. Toi, faut t'interner. Mais on va t'attraper, hein, parce que bon, t'as un peu charrié mes gars, là, ouais. Donc on va t'attraper. Moi, j'ai prochainement entendu des Mista Plo, des Teddy Cojones. Ah là là, Eddie Cojones. Didier Moscou. On va le fils caché de Vladimir. Bon, et hier, on a passé aussi la mort au Chichi. Il y a eu un très joli message qui est arrivé. Je sais pas si t'as vu le message qui vient de passer à l'instant. Je bosse avec un mec, sa nana lui a dit sur le morceau par rapport à la mort au Chichi. Ouais. Elle lui a dit: moi, c'est Chichi jusqu'à la mort. Oh, Eh bah dis donc, il y en a, ils sont gâtés, hein. Voilà, je voulais vous signaler la présence d'un frérot qui est venu donner un peu de force. Il y a monsieur LECK qui est là dans Oui, faites du bruit pour LECK, s'il vous plaît. Faites du bruit. Dès le début de la semaine, envoyait des messages sur les réseaux sociaux en disant il faut récupérer l'album miraculeux. Ouais, parce que LECK il donne la pêche. Donc voilà, donc paix à LECK. Comment vas-tu, Fred? Bah écoute, en pleine forme. Ça va. Il paraît qu'on se voit bientôt avec un nouveau titre. Ouais, il va être lourd. Moi, ça dans la prochaine je connais le titre. Il s'appelle Noir. Il arrive le 20. Le 20, et c'est sûr. Et bon, on pourra le découvrir. Voilà, on est là pour donner de la sephore au frère. Mais j'ai vu que tu envoyais des messages pour plaisir. Ah, lui, c'est un vrai, mon frère. Voilà, ça bouge même pas. Voilà, Teddy, tout, c'est les grands frères. Ça, c'est les vrais gens. Teddy, on voyait ça le monde dans mon quartier. T'es aujourd'hui, voilà, on est là et c'est normal. Nordin, c'est un vrai gars, c'est un vrai Maghrebi Tahsa. Barakallah, on fait que mon frère. Délicace aussi, vite fait, j'en profite deux secondes. Et BR, il a sorti son clip. Ouais, salam à BR, d'ailleurs, je voulais l'annoncer aussi. Il a sorti son truc W aussi, voilà. Aujourd'hui c'est miraculé, je l'ai acheté, il est violent. Alors, ça y est, t'as déjà tes préférés ou pas sur l'album? J'aime bien le morceau, comment il s'appelle? Je vais te dire, la 5 ou la 6, c'est comme il y a ennemi, ça doit être ennemi. Chacun ses raisons. Chacun ses raisons. Et Fidounia aussi. Très lourd. LECK, c'est quelqu'un qui gravite autour de nous. C'est plus ou moins l'entourage et c'est la famille. Donc voilà, paix et respect à LECK qui nous soutient. Voilà. Et c'est normal qu'il soit là ce soir aussi. Et bah, bienvenue. Et comme tu as vu aujourd'hui, Fred, tu es venu avec les nouveaux t-shirts Schwarz. Ah bah, je les découvre à l'instant. Voilà. Magnifique. Ils sont là. Voilà, ils en profitent. Voilà. Avec placement de produits, nouvelle picou. 500 €. On s'est croisé. Je comprends pourquoi LECK a été managé là-dessus sur la partie marketing par monsieur Mokobé. Je reconnais un peu de Mokobé derrière tout ça. Bien joué. Mokobisé un peu. Bien joué sur le t-shirt. Non, mais on s'est croisé hier soir sur Paname. Voilà, on a bu un petit verre ensemble. On a discuté. Je lui ai dit. On a mangé des grecs à 7h du mat. Il a été manger un grec à 7h du mat. Bah, c'est un grec qui l'a mal dû digérer. Mista, il m'a dit arrête, gros. J'ai dit non, il faut que je mange. Là. Allez, à 7h du mat, ça cale généralement. Ça exactement. Voilà. Allez, coup d'envoi du Planète Rap. Force. Niro, c'est parti. Premier morceau. Je prends sur moi maintenant. Je prends sur moi. N.I.R.O. Miraculé dans les bacs, mon ami. Si tu l'as pas, va le chercher. Le vrai soutien, c'est pas que du virtuel, mon ami. On se comprend. Ouais. Street lourd. Miraculé dans les bacs. Roulez. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Et sur mon jet en vie. Miraculé dans les bacs le 9 juin, poteau. C'est cette semaine que ça se passe. Va le chercher, mon ami. Comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. Eh la Dream Team, je vous vois là-haut. Continuez à envoyer des messages. Ce soir on a entêté la famille afro que d'Alnada Walou. Roulez. Le caractère est très fort, mauvais tempérament. Même si souvent je tords, j'essaie de me tromper à mort. Aujourd'hui miraculé, mais gros je guéris salement. Je vois leur chatte qui fait des bulles quand je passe en berline allemand. J'ai pris mon temps, je suis resté constant. Content ou pas, on connaît la pente quand la remontant. V'là le temps passé en bois, à balourder la jumpa. Alourdir mes péchés, faire du mal à mes semblables. J'ai pas pris du poids, j'ai pris sur moi, poteau pris pour moi. J'écoute personne, tout le monde est sournois, je suis devenu sournois. Ils me boycottaient, j'écoutais leur speech. Ils sont envie, j'ai refusé leur pip. En vrai je préfère me couper la bite que me faire sucer par ces bitches. Nous c'est comme face et pim. Ils pensent avoir tout vu avant d'avoir passé le pire. Tes rappeurs seront là où je suis dans 10 piches, c'est quoi c'est pim. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Et se plonger dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Miraculé dans les bacs. Si tu l'as pas, t'es à côté de la plaque, mon ami. Famille qui a aucun droit sur ses mots. Vrai pour de vrai. J'en ai plus rien à foutre. N.I.R.O. miraculé. Savoir qui a tort ou raison. J'prends sur moi. Comptabilise les échecs, j'en ai fait des victoires. Impliqué dans v'là les histoires, j'm'étonne pas d'être critiqué. On aura ce qu'on méritera, j'oublierai pas quand ces salopes m'ont fermé les portes. J'ai rafalé leur double vitrage. J'passe d'hôtel en hôtel, transite de ville en ville. J'rencontre les frères et sœurs qui m'aiment parce qu'on a la même vie. Des barres de rire, comment m'interpelle. Des braqueurs à mes concerts, recherchés par Interpol. Les risques la perpète. Chez nous des crises de rire aux crises de nerfs. Pourtant y'a qu'un pas. Tu m'atteins pas quand tu m'allumes dans le dos, gros tu m'éteins pas. J'ai de la grégousse dans ma suite, de la suite dans les idées. Décidé par la suite ma carrière, je suis resté fidèle à mes soldats, je suis toujours fidèle à ma clique. Miraculé seulement parce que je suis fidèle à ma street. J'perds patience comme les reins qui tournent après la terre, non. J'prends sur moi, j'attends mon heure, mais ça commence à faire, non. On changera pas la face du monde juste avec des mots. Les yeux plongés dans le vide. On voit même plus passer les saisons. Miraculé dans les box Zoulou. Comme ce père de famille qui a aucun droit sur ses mots. J'en ai plus rien à foutre. Savoir qui a tort ou raison. J'prends sur moi. Miraculé dans les bugs. Zoulou. Eh, celle-là c'est pour ma dream team. On lâche rien. Rien du tout. N-I-R-O. Miraculé. Je prends sur moi, c'est extrait de l'album Miraculé, l'album de Niro qui est dans les bacs qu'on peut toujours télécharger légalement aussi. Et ça précise. Y est, Moscou est des... enfin. Ah, il est là. Il est dans la maison. Moscou, aujourd'hui. Peut-être nous dire un petit mot. On dirait qu'il sort d'un rendez-vous avec des Italiens. Avec Titi. Ouais, c'est ça. Non, on est là au calme, ça va être fort ce soir. Ouais. Il y a du live de prévu. Ouais. Avec justement, il nous disait, il y a Koro qui est là, Nino Brown. Donc on va faire ça lourd, vous allez, ceux qui n'ont pas écouté là, ils vont découvrir Fourmi en live. Ça va être sale. Et tu as vu Douas à mes côtés qui est en train de réaliser le portrait de Niro sur le t-shirt. Déjà, il avait fait un t-shirt à un concert là, je me souviens. Très très lourd. Très fort lui. Hein. Donc là, ça commence bien. Eh ben écoute, là, ça, c'est plutôt bien parti. Ouais. On suivra le t-shirt pour ceux qui ont les images sur skyrock.fm, sinon on prendra des photos pour aller voir un peu plus tard. En vidéo également. Je voudrais placer une petite dédicace à Empire Station, tu vois, qui sont là tous les jours avec nous, qui nous filment, etc., qui nous suivent un peu dans la vie de tous les jours sans jamais rien demander. Un grand salam à Maclouf aussi, qu'on oublie très souvent et qu'on ne devrait absolument c'est pas vrai. Oublier. On devrait s'en vouloir de l'oublier carrément. Grand salam à Maclouf. Grand salam. Et je voulais vous passer une petite adresse au cas où au palais de la beauté, centre commercial, Croix de Chaveau, salon de coiffure, ongles esthétiques. À Montreuil, a priori. Ouais, à Montreuil, voilà, c'est à mon ami qui tient ça, à sa femme. Donc force à lui, on lui donne un peu la pêche. C'est le Macarim aussi du resto Sushi Nacha en Surman, voilà. Et puis on va rappeler, parce qu'il y a des gens qui demandaient, Niro passe à côté de chez moi, viens au concert. Pour l'instant, il y a déjà 3 dates de prévu. Il y a même plus que ça en vrai, mais je ne les déclare pas encore parce qu'il y a 2-3 dates qui ne sont pas confirmées. C'est ça. Des dates comme Toulouse, etc. Donc on essaye de on se bat et voilà, pour avoir plus de dates. Là normalement on va confirmer toute la tournée prochainement. En tout cas, les 3 dates à retenir absolument, c'est le 26 novembre à Lyon, le 27 novembre à Marseille et surtout le 28 novembre au Bataclan à Paris. Voilà. Vous pouvez déjà prendre les places. Hein. Donc voilà. Dépêchez-vous, parce que c'est vrai que ça peut paraître loin en novembre, mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et puis, tu sais, le Bataclan, c'est pas très grand, donc ça va se remplir assez vite, je pense. Pareil pour Lyon. Lyon, on a eu un accueil de ouf l'année dernière. On est une Cassicao, salam à tous les Lyonnais, à tous les Grenoblois. Et à Marseille aussi, on a des bons retours, etc. Bon, l'année dernière, on a annulé le concert là-bas, faute de quelques problèmes techniques, etc. Manque d'organisation. Mais cette fois-ci, on va tenir la date de Marseille. Inch'Allah, et on va la faire lourd au moulin. Je voulais faire une petite dédicace aussi à Bébé. Karim Bébé, son frère, à Bibi aussi, à Ganite. On est là, frère. Salam à Baby, salam à Karim. Et on va saluer, j'ai vu, là, je le vois plus, il était dans le studio il y a quelques minutes. Démon One aussi, qui est là, qui est passé. Je l'ai pas vu. Démon, il était là il y a 2 secondes, j'ai vu, il est rentré dans le sentier. Ouais, mais lui, il est dans les murs, il est partout, Démon. C'est la spécialité de Démon, il rentre, il ressort assez vite. Démon One, intouchable. Ça, c'est des gens forcément qui t'ont bercé, toute l'équipe, justement. Ouais, mon frère, moi, je suis comme un gosse quand je suis avec eux. Laisse tomber, frère. J'ai l'impression d'être. Hey, comme ils ont tous un certain âge, etc. Tu vois, j'ai l'impression d'être. Enfin, on se comprend. Ils sont tous plus âgés que moi. Tu vois, je suis encore un gamin pour eux. Donc, tu vois, j'ai l'impression que je suis avec des animateurs qui sont fous en fait. T'as capté ou pas? Je pars en vacances avec 5 animateurs. C'est tous des malades mentaux. Vas-y, cousin. Ils sont plus fous que moi encore. Et voilà, puis il y a donc le label avec merci. Toi qui est là, toute l'équipe. Street Lourd qui est là, paix à la mafia qu'un free. Yeah. Paix à toute la mafia qu'un free. Est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau maintenant de l'album Miraculé? Ouais, pourquoi pas, on se met quoi? Voilà, parce que je vois que les gens ils l'ont assez bien apprécié. En plus, Monsieur Lolo Bounou l'aime bien. Donc on va le passer, le voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Allez, on balance le morceau, voilà, c'est extrait de Miraculé maintenant. Miraculé dans les bacs. Si tu l'as pas, t'es à côté de la plaque, mon ami. N-I-R-O. Miraculé. Voilà. Grossis la voix, t'as parlé, crois-la. On prend des risques inconsidérés. Bourré sur le périphérique. C'est le fruit de la folie, poteau, voilà. T'es mort avant que les pompiers soient là. T'as vu ta vie en différé. Aujourd'hui on va t'enterrer. Vu que c'est tout pour les intérêts. J'espère que t'auras du sourd. À trop courir après les sous. Tu vas manquer d'oxygène. C'est tout pour les intérêts. On finira par t'enterrer. Pas de cinéma stop. T'es là pourquoi? Par le bénin. Tu leur fais confiance mes pélèques. Tes faux amis sont tout rénés. Ils vont rien faire à part te freiner, voilà. Dehors c'est dur, tu me parles de quoi là? À la bordel, y'a que des malades. Y'a Haja, ça sort la galoche. Eh, c'est le Madraï, un touchable clip de mon wall. Ouais. J'veux même pas te raconter ma life. J'la raconte même pas à ma wife. Si pas, je serai jamais gay. Vu que c'est tout pour les intérêts. Cherche pas la lumière dans les ténèbres. Je préfère plutôt être riche que célèbre. Faut même se méfier des gens qui t'élèvent. Je lis dans tes yeux ce qu'il y a pas sur tes lèvres. Je peux pas exaucer tes rêves. Gros, je veux m'insérer, mais je vois là. Se franc faire comme si on n'était pas là. Et vu qu'on n'est pas à la mode, tu fais comme un mort. J'm'attends pas à voir un poil. Solo dans ma paranoïa. Faut plus de rock, la chatte à Zaya. Crochet Oscar de la OIA. Quand faut y aller gros. Y'a pas le temps de chialer comme Vita Laser. M'y est passé par là. Elle a fumé les gars dans voilà. Le vendredi à faire la salade. Le samedi à faire le haram. Dans les clubs branchés de Panama. Voilà on dirait qu'ils ont pas d'âme. Respecteront pas si t'as pas d'âme. Voilà dehors ça parle en cadavre. Combien ont survécu à la dalle. Ont terminé comme Ficata. Tout pour les intérêts. Tout pour les intérêts. On va t'enterrer. C'est tout pour les intérêts. Finir à part t'enterrer. Voilà. Voilà mon ami. Voilà. Miraculé, attends, 2 minutes Fred, ça, j'ai un petit message à tout le monde s'il vous plaît. J'ai un petit message super important à passer à des gens qu'on apprécie beaucoup. Grand salam à Tota. Il y a eu un petit drame aujourd'hui. Voilà, donc paix à lui. Je voulais placer une petite pensée à Tota de Marseille, à toute sa famille. Toute sa famille, hein. Voilà, surtout. Une grosse pensée, ouais, c'était à tous ses proches, ouais, Tota. Avec vous, Inch'Allah. et avec tous vos proches, Inch'Allah, voilà, c'est dramatique que des choses comme ça arrivent encore. Donc paix à ces frères-là, voilà, et que Dieu leur donne la force, Inch'Allah, de surmonter cette épreuve, encore une. Ouais, voilà, beaucoup de courage en tout cas. Parce que c'est des mecs, ils ont une certaine vie. Quand tu parles avec des gens là-bas, même ils t'en parlent, ils disent ils ont une certaine vie, etc. Et que c'est des vrais hommes, tu vois. Donc paix à eux et puis paix à leur famille et qu'Allah il les aide à surmonter cette épreuve, Inch'Allah. Voilà, beaucoup de force en tout cas. Voilà, on pense à Tota et ses proches, notamment aujourd'hui. Ouais, en plus c'est depuis des proches. Qu'on a appris cette triste nouvelle. C'est un très proche ami à Teddy. Très. Et à toute la mafia en vrai, tu vois. Donc on lui passe un grand CLM. Force Tota, Inch'Allah. Force Tota, mon frère. Force à toi, frère. Voilà. Ouais. Le Planète Rap de Niro entre 20h et 21h sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. J'ai une petite question. Ouais. J'espère que vous n'avez pas me la bousiller, hein. Vas-y, on voit. C'est très simple, hein. Ouais. Je te le dis, c'est très simple. Ok, on voit. C'est pour repartir avec l'album dédicacé de Niro. Il faut envoyer un message 41759. Ouais. Et c'est quoi la question? Attention, parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu vas dire. Couper, ça va aller très vite. Qu'on peut couper le micro de Niro. Non, on coupera pas pour aujourd'hui, je crois pas. 41759. Comment s'appelle le label représenté par Teddy Corona, Moscou. Bon, vas-y, on va rien dire. C'est quoi, on va rien dire parce que celui qui trouve pas la réponse, mais il a vraiment rien compris à la vie. À côté de la plaque, le garçon. Bon, je te donne un indice, on va moi, le dire. Moi, j'ai un indice, moi. Ah. Boulevard Léger. Boulevard Léger. Ouais, voiture. Boulevard. Ah ouais, ok. Attends, moi, j'ai un autre truc. Nénéné, putain, nénéné. Ouais. C'est beaucoup de bons indices. Ouais. Street Fighter. Allez, on va mettre la pub, on revient dans un instant. Vous envoyez les messages, regarde, ça défile déjà 41759, l'un ou l'une d'entre vous. Oh là là, je vois plein de réponses, les gens, ils l'album savent. L'album dédicacé, allez-y avec le hashtag Niro sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelques minutes? Je sais pas, en fait c'est Moscou qui décide. Tu veux pas le featuring avec Koro et... Non, on va le faire en live. Ah, ça, on va le faire en live. Ah ouais, attends. On attend pour moi. D'ailleurs, Koro il est là, il peut peut-être passer un petit mot. Bienvenue Koro. Salam à tous. Wesh Koro. Wesh Koro. Bien ou bien? Bien ou pas? Frérot, attends, que je t'explique bien. Bah, présente-nous bien Koro. Koro c'est mon ami d'enfance. On a rappé dans les caves. À l'époque, avec des collants pour faire l'antipop. Oula. On branchait dans les lumières et machin. Et Koro, c'est mon ami d'enfance. On a tout fait ensemble. Donc voilà, c'est un mec qui est fiable au fil des années. T'apprends à faire le tri dans ton entourage. Mais alors, Koro, frère, il est au sommet. Il est pas prêt de bouger. Il est au sommet de la vérité. C'est le mec le plus vrai que je connais, tu vois. Et c'est un vrai bonhomme pour lui, pour sa mère, pour sa famille. Donc. Il mérite même beaucoup plus que moi encore, Koro. Mais ça, à l'avenir, Inch'Allah, je vous le ferai découvrir petit à petit. Mais c'est vraiment parce qu'il s'en bat les couilles qu'il veut pas, tu sais, qu'il veut pas se prendre la tête. Mais il a un talent de ouf. Et t'inquiète pas, je vais le forcer s'il faut. On va le séquestrer. Et il va nous faire un petit projet au moins, tu vois. Et voilà. Koro. Bien. Après cette jolie introduction par Niro. Il m'a mis bien. Il t'a mis bien. Bon, ça doit te faire plaisir en même temps de voir ton pote avec qui. Je vais donner un billet pour qu'il dise ça. Ah, c'est ça, ouais. Un beau billet. Non. Mais ça doit te faire plaisir même de voir que ça monte, qu'il y a une demande autour de lui. Un beau dans la maison. De toute façon, depuis petit, on savait, tu vois, qu'un jour, si ça devait péter, c'était lui. Parce qu'il a toujours été déterminé, courageux. Et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce domaine. Et voilà, ça paye, hein, parce qu'aujourd'hui, deuxième Planète Rap, il sort son troisième CD, on vient de province, et puis il pète tout. Et puis les gens qui sont autour de lui, c'est des gens qu'on écoutait quand on était gamin, ils nous ont grave influencés, donc du coup, ça fait plaisir. Et donc du coup, ce que je veux vraiment dire, c'est que sa réussite, c'est la réussite de tous les jeunes rappeurs qui émergeront jamais, même qu'ils ont du talent, tu vois ce que je veux dire. Il y a des rappeurs en France qui ont du talent, ils sont partout. C'est comme le football, il y en a, ils émergeront jamais. Et puis lui il a eu cette chance là. Inch'Allah, on leur souhaite à tous. Est-ce que justement galère, à cette époque, l'époque que tu rappelais toi Niro, quand vous rappiez dans les caves avec le colon pour faire l'anti-pop. Mais tu sais qu'on s'en battait les couilles en fait. Mais est-ce que vous disiez un moment l'un de nous va faire carrière? Même pas, parce qu'en vrai, nous, je te dis la vérité, on rappait parce qu'on aimait ça en fait. Ouais, c'était un délire en vrai. C'était quelque chose qui a, en fait, c'était quelque chose qui a, allez, t'as vu, nous, on était grave bousillés par les mouvements de groupe, t'as Mafia qu'un fric, tout ça. Et c'était des mouvements, ça, par exemple, comme, autant que la fume, ça l'a été aussi, hein, on va pas se cacher, parce que la fume, ça a réuni beaucoup de monde, hein. Le fait de fumer de l'herchiche, bande d'enculés, on sait que vous traînez ensemble, c'est la fume qui a adouci tout le monde. Mais le rap, c'était un truc rassembleur, tu vois, à l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés, moi. Voilà. Koro, à l'époque, on traînait pas ensemble. Pour te dire, même, les premières fois, on s'est vu, on se cherchait avec des armes, moi et lui, des marteaux. etc. Comme quoi, c'est comme quoi, mais c'est proto, tu vois. Et voilà, c'est mon frère de fou, sa mère, c'est comme ma mère, son père, c'est comme le mien. Et donc voilà, donc père toute sa famille, père Koro, et t'inquiète pas que bientôt je vais vous ramener. Mais justement, pour revenir aussi un petit peu là-dessus sur les débuts, est-ce que quand voilà, on se dit on vient de Blois, est-ce qu'à un moment quand on voit un peu le paysage hexagonal avec, c'est vrai, un axe peut-être à l'époque fort entre Paris et Marseille, est-ce qu'on se dit voilà, on peut percer ou non? Moi, percer, même le mot, excuse-moi Koro, même le mot percer, il est péjoratif pour moi, parce que percer, ça veut dire quoi en fait? Tu vois? Percer, c'est avoir un écho, Skyrock, non, avoir un planète. Mais pas que ça, c'est aussi avoir un écho au niveau national, voilà. Oh, c'est, ouais, voilà. C'est, après, les moyens. C'est les pouvoir moyens, faire des concerts un peu partout. Exactement. C'est... Après, ouais. moi, j'ai toujours dit, et j'ai toujours cru en ce truc, la musique parle, la musique n'a pas de frontières, cousin, et la musique parle. Aux États-Unis, il y a des gens, ils téléchargent mes sons, ils comprennent pas un mot de ce que je dis, tu vois. J'ai des potes à moi qui vont qu'on fait un clip. T'as vu, dans ton quoi, le remix, ouais. Il y a une partie qui était tournée là-bas, les gens, ils téléchargeaient mes sons, ils comprenaient rien, mais le truc était là. Donc ils kiffent. Donc la musique, ça, au final, ça a pas de frontières, et j'en suis la preuve vivante. Mon frère, je viens de Blois, je réussis dans un domaine en plus qui est pas du rap, t'as les bébés là, tu vois. Donc voilà, donc c'est un milieu dur, c'est un milieu où faut prouver, c'est un milieu où faut être là. Hein. Alors c'est faut, ça, c'est faut quand gagner le respect. Quand aussi, je disais percer, c'est plus là-dessus, c'est tout le boulot qu'il y a à faire. C'est... Moi, la seule vraie, le oh là là, wesh. On est dans le noir d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, ça revient. Merde. Vous voulez qu'il se passe des trucs bizarres ou quoi? Une soirée chichi. Je te disais quoi, moi, ma vraie réussite, le vrai truc sur quoi je pourrais te dire que j'ai percé, c'est le respect et la reconnaissance. Putain, enfin, mon frère, voilà. Le respect. Et ça, tu mérites le petit loup. Et ça a été le plus dur, tu vois. Et Koro, il peut témoigner. Et de toute façon, on sort pas d'un buisson, tu vois. Mmh. Voilà, on sort pas d'un buisson, mon frère. On a galéré comme tous les frères qui galèrent dans tous les quartiers de France. Et je leur souhaite à tous la réussite, Inch'Allah. Et de toute façon, on est promis qu'à ça. Il faut juste être déterminé à porter ses couilles et aller nique sa mère. Comptez sur personne, les frères, voilà. Dans un instant, on va vous retrouver avec Koro au micro. Je vais faire juste une petite dédicace. Vas-y. À tous mes reilles de Bélo, Kennedy, Coco qui nous entend. Ouais, hein? Coco. On est là ou pas? Garde la santé. Enfin bref, dédicace à tous les reilles, RC Dice et tout. On est à SS, on est là. Et voilà, grand respect à vous tous. Quand je dis tous, c'est tous ceux qui nous soutiennent, qui achètent les CD, qui envoient des messages sur Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, tous ceux qui suivent, ça fait vraiment plaisir. Et en vrai, c'est un peu grâce aussi à vous qu'on est là actuellement. Mais c'est donc, surtout voilà, grâce à eux. C'est sans eux, y a rien du tout. Moi, je voudrais dédicacer tous les frères de Blois, tous ceux qui galèrent, tous ceux qui sont là. Ou là, ouais, on s'oublie pas. Là, on s'est installé. T'inquiète pas, on va s'installer petit à petit. Ceux qui méritent, ils auront ce qu'ils méritent. Voilà. Et ne bougez pas dans un instant. On va revenir. Et Nino Bon, il est dans la maison aussi. Nino Bon, il est là. On va présenter aussi. Dans un instant. C'est le coup d'envoi aussi. Regarde, Niro de la Coupe du Monde actuellement. Bon, ça, franchement, tu veux que je te dise un truc? Je m'en bats les couilles. Voilà. Fred, excuse-moi de te couper. Je voulais juste. Parce qu'apparemment, on disait qu'il n'y avait pas assez de bruit à Skyrock cette semaine. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, vraiment, tous ceux qui sont là, je veux que vous fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît. Bougez pas, dans un instant on va revenir juste après la pub. Il est là le lancement de la Coupe du Monde, Attendez. On revient dans un instant après la pub. Demain, gros. Oui, j'ai compris. T'es dans la merde. On verra déjà demain. Déjà faisons cette émission et mettons la pub en speed et on revient juste après avec Niro. Comme toi, Niro a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec l'album miraculé à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Et on a encore des gens qui sont arrivés. Oui, plein. Démon qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Il est là, Démon. Il y a Monsieur Noumouké qui est là. Attends. Monsieur Noumouké Sidibé, mon frère, mon... C'est la famille, c'est plus que ça encore. On respecte beaucoup. Beaucoup, c'est le parrain de mon fils, c'est tout ça, quoi. C'est une affaire familiale. Voilà. C'est une affaire familiale, tout ça. Il est là. Date. Avec Démon One aussi. Démon, ça va bien, Démon? Ouais. Tranquille, Pépère. En forme? Tranquille, venu support. Bah écoute, en grande forme. Content de te voir à chaque fois. Merci, ça fait plaisir aussi. Bah venu te faire un petit coucou à Niro. On est venu soutenir la famille. Aïe. Ah! Grosse dédicace à DRY! Ouais, le D, on pense à toi. Aïe. Le Drac. Intouchable Click. Intouchable Click. Ouais. Légendaire, légendaire. Intouchable Click. Et bah, Demon One qui est là aussi. Salam à tous les Khaydorli. Et je vous présente Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Champignezou. Joyeux anniversaire Yanis, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Yanis, joyeux anniversaire mon pote. Voilà. Le studio t'acclame Yanis. Il me respecte pas, c'est allô Yanis. Merci, c'est gentil. Allez, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle dans le téléphone, c'est parti. Ok. Ça trouve plus. Ok. F2L. Tra. Ok. Ok. T'as la 46 de pute, on te la rentre. Tu veux du bon shit ici, on te la range. Tu vas sur ma salle, on prend le bâtard, non. Tu voulais percer, mais t'as pas talent. Anonymal, place que je suis, place que je vis, place que tu tises pas. Fais aller toute ta vie, ton vécu ta ville. T'as la meilleure artiste de pute, mais tu vises pas. Ça sert à quoi, quoi, à te montrer, vouloir peser dans le vide. Percer, brasser, que du factice. Sauf dans la boîte, t'es rentré dans le vide. Vos gens, que des omercés, c'est facile. Percer dans la tigre, c'est ce qui me fascine. Faire pas éthique, on passe à l'ennemi, ça fait. C'est toi et tu t'es une pique, l'assassine. C'est trop de pieds, c'était fort, j'arrive dans le game, c'était tout pâle. Tu t'es pris pour tout le pâle. 27 mars, t'attends dans les pâles. Ma vie, pas, t'étais pas. Dis-moi où t'habites que j'étais pas. Oublie pas, j'ai mis à ta droite. Sans tout ça, l'air plus incapable. Pour tout seul, écoute ta mâche à. 16 mesures, te remets d'accord. J't'arrose ta mère, plus concurrente. Quand j'ai raison, si ce pute à tort. Ok. C'est tout naze, on n'ose même plus t'écouter. Faire de l'ombre, ça figure depuis le temps que tu écoutais. Yanis, à l'instant, frère, ça c'est du rap bon de cabine parce que la qualité, je reconnais, c'est de la bonne cabine téléphonique, ça, Yanis. C'est ça. C'est ça, rap de cabine. Merci à toi, Yanis. Je vais passer un petit message à Niro. J'ai pas un remix de ton son pour le tout. Ouais, poto, vas-y, je vais aller voir ça. C'est comment ton blaze, Yanis? Yanis F2L, ouais. Yanis F2L. Ouais, j'irai voir ça, frérot, voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un petit Cray aussi, un petit jeune de Cray, je sais pas il a quel âge. Et il s'appelle, je crois, Clovis. Et il a repris Viva Street, il a fait Vive la Street. Je vous invite à le découvrir. Et bon, on va aller cliquer là-dessus. Il est très, très lourd, voilà. Grand salam à lui et tous mes respects. Et ben, merci à toi, Yanis F2L. On ira cliquer. On met un morceau et on fait le live après parce qu'il y a du monde en freestyle aussi à trouver. Ouais. Phénomène. Phénomène, on envoie Phénomène, allez. Produit par Outstar, salam à toi, gros, miraculé dans les bacs, allez le chercher. C'est Niro. Street, lourd, Teddy Corona, Mista Flo, incontournable, N-I-R-O. Roulez, rave les autres sont tout naze, demandez à la street, je suis pas mort dans le film, c'est chelou. J'ai pas vu ta gueule au tournage, t'as sûrement dû crever dans le script, vieux loup. C'est les mots vrais qui m'ont escorté. Les autres l'auront tellement profond dans le cul qu'elle sortira pas l'œil qu'ils ont voulu porter. Je vous en cul, personne peut égaler qui peut nier ces 3-4 dernières années. Trop plus les combats que j'ai gagnés. Voilà, je me suis régalé, toujours hors catégorie. Je permets à personne de douter. Même pas ta pute, même pas les doigts. Je veux même pas l'écouter, ça fait. Poussez-vous de la route, j'ai la balle comme au Ramadan. Le Simka au Maradas, les sous c'est bien, mais c'est pas ça qui nous mènera au paradise. Pour m'en sortir, j'avais pas de recours. Heureusement que le Seigneur me coupe, j'étais le meilleur de ma génération. Maintenant, je suis le meilleur tout court. Parlez-moi pas de vos rappeurs, ouais. Rien à foutre de vos rapports. Je pourrais dire que je les mange tout cru, mais non, poteau, je mange pas de poids. Charbonne à chaque album, bombarde comme tempère la bois. Je vais remplir mon putain de compte en banque, mon frigo, mon putain de pasta. Allez, tiens, mais mon chien, j'ai toujours été sûr de moi, je suis douqueuse. Miraculé dans les bottes. Plus que moi, toi, tout. T'inquiète même pas, Zoulou. N-I-R-O. Ah, faut que je suis un phénomène. S'il faut pas pour nous, rayons le phénomène. N-I-R-O, putain de phénomène. Wesh, un bout. Wesh, chinois, Mimo, Cortex. J'ai baroudé dans la merde, à part mes gars, j'ai besoin d'aider sale père. Tu nous aimes pas, nous, si on t'aime pas, t'as un problème, passe, t'inquiète même pas. Ça traîne pas, on va te réveiller dans la baraque à ton père. J'fous le spell avec ma clique sur scène. C'est Zama, ce que j'fais, c'est obscène. Pourquoi tu me fliques? Pourquoi ça te concerne? Pourquoi tu cliques? Pourquoi tu m'observes? Avec tes gros cernes, tu braques la recette. Y'a ta sale chaîne qui m'appelle pour me crier sa peine. J'ai pas le temps, ma belle, mon passe-temps, ma veille, ma cause, mes frères. Pas l'écoute à pop, pas l'écoute à pop. J'ai des coups de sa mère, on a tout à perdre. C'est la merde, mon frère, on a tout à faire. Genre de rééducation maintenant, ça voilà. Me suis relevé. La car j'ai plus mal. Demande au Cafri, demande au Chimal. La concurrence aura la Amara. Ce qui paraît, est-ce que tu fais c'est pas mal? Ouais, de speed, j'pense pas y éviter une carotte comme Obama. Où ça m'a aussi clochard du RB. On fait que monter dans toutes les villes. On sait comment t'es dans la vraie vie. Caché, ouais, des fils, des vrais fils de putain d'Aïti. 5 sur 5. Ça va très vite. Allez, on tente faire le gravis. On ira chercher ce qui nous est dû avant que toutes ces salopes sévissent. Allez, Robert, mais mon chien, Champignizou. Charlie choisit vitrine. Dis-moi qui peut avoir. Ben alors, il reste, Niggy. Robert Renoir, y'a que les vrais qui roulent. Il y en a ou pas? Qui s'aillent, qui leur mère, ma foi, que je suis un phénomène. S'il faut pas pour nous, rayons le phénomène. N-I-R-O, putain de phénomène. Les raculés dans les bacs, va chercher Zoulou. C'est pas du produit de contrefaçon ça. Que ouais. De la frappe, que des morceaux de bâtard. Je comprends pourquoi t'apprends mes kata. Walioun, la famille. Roulez, paix à tous les rayons incarcérés. À l'instant, voilà. Niro, extrait de l'album Miraculé. Phénomène. Et le morceau qui s'appelle Phénomène à l'instant sur Skyrock. C'est pas la Coupe du Monde ce morceau. Bah, beaucoup mieux que Jennifer Lopez. Jennifer Lopez actuellement. Vas-y. C'est quoi ce haut là? Ah bah. Ah, faut arrêter. La mort ou Chichi? Jennifer Lopez. Elle, c'est les deux. Ouais, H, ma gueule, t'es sur la route. On t'attend. Et bien, coup d'envoi donc de la Coupe du Monde, mais ici à Skyrock avec Niro, puisque c'est l'heure du live maintenant. Nino Brown doit être dans le coin. Ouais, Nino, il est là. Salam à Koro qui est là aussi. Nino, c'est parti pour le live maintenant. À la bien, mon sauce. On y va. Fourmi. Sous les mains de Belouihes, Mimo, Tex-Mex, Losovic, Vaha, Rosted, ouais, on est All My Belo, Mbex, Biftek, Wesh Pressler, après Liero, Serge, AG, MB, Lacour, CD, Belouihes, ou le quartier de Belouihes, le quartier de France, je le dis, Belouihes, il y a des longues bitch, Belouihes, Belouihes. Belouihes. Je peux pas me le raconter. Y'a ma daronne qui est en train de trimer. Le rap a bien changé. Puis l'époque où il permettait de s'exprimer. Ils parlent tous de signer. Cousin, je me suis résigné. Les Heiner veulent nous descendre. Pourtant, je suis encore Corée de chaussée. Qu'est-ce que ma capitale d'un peu ça? Merci, chis et bronc, comme à l'âge de plat. Chant mortuaire en guise de cellule au cap plat. Déclenche une aime de bâtard. Pas de cheval, qu'après son capot. Toujours chaud pour choper ma gomane. Laisse-les tous se fumer entre eux. Les rats du coin de ma rue volent trop mal. Puis dont des sans un gros joint de peu. J'ai vu des gars tomber trop bas. Pour voir grand on a besoin de peu. T'as deux dormis de fondis comme son soir. Dis-le si tu comptes tes faire. Qui veut pas se noyer dans un tas d'oseilles. C'est pas un poil qu'on dort, mais on va pas sommeil. On compte pas au paradis avec un grand orgueil. Le daron au parloir, il faut pas semer. Bientôt je débarque en solo. Faire du sale à ta tasse, c'est sale du rap. Le bien, le mal dans un seul. Plam est vrai, baisse des faux airs. Mais qu'on t'a pisté sous des faux airs. Serment ta nez dans la coque. Et dans tout le monde, ce qui nous concerne. Vêtu comme un pirate, vêtu comme un sistra. Vêtu comme un pirate, vêtu comme un sistra. À ceux qui sont rangés, ceux qui sont encore dans la bicra. Ghetto youth ont fait flipper la France comme la licra. Fourmi. Quand y'en a pour rien, y'en a pour mille. Quand y'en a pour rien, y'en a pour mille. Soulève que du lourd, t'as les fourmis. Tu crois que je suis requinqué, en aucun cas. Faudra croquer, t'auras qu'un gras. Dans ma tête c'est la merde, sur la vie de ma mère. Bloqué dans le tanga, je pète un bleu gras. C'est la réserve dans ton hood. Passe dans le mien, on fourmi. Là c'est les des armes. Les armes à la foudre, te soulève comme une fourmi. DCDD le départ. Je pèse le départ, je veux pas le péter des barres. Mais ne m'aidez pas, le rap c'est des barres. Ne m'écoutez pas, le savoir est une arme. Je rappe des balles. Devise basé sur la devise, moi j'en ai rien à foutre. D'un peu frais, d'un bête de peu air, poto, viens pécho dans mon hood. Dounia putain l'enfer, j'la saute pas. J'écoute pas leur story, j'écoute pas. Bello, pas qui mérite des coups de patte. Kennedy, paratata, écoute de paille. Bien sûr, j'me suis fait tout seul, pas besoin qu'on m'arrange. J'ai vu le chétan en graine, les oublis en apparence. J'les écoute pas et leurs soucis, j'trouve ça marrant. J'accélère dans les rues de ma vie, la plus 140, la plus 140. Ma vie, c'est pas drôle, y'a pas d'autre, j'y crois trop dans la race des parents. Plus ou moins tolérant, j'veux pas rentrer dans les rangs. Pas tout jette les rangs, j'veux pas tout jette les rangs. Rappel dans le terrain, de la tige, dans les rues, des clous dans les roues. Dans la tête, les neurones. narines. Plein de projets carrés, j'ai fait tout sur Paris. Comment ça te préparer? Mais tu peux pas pire. Qui tu comme assistant? Lino Blain. Qui tu comme assistant? À ceux qui sont rangés, ceux qui sont encore dans la vitre. Ghetto Youth, on fait flipper la France comme la Nitra. Fourmi. Fourmi. Fourmi. Quand y'en a pour rien, y'en a pour mi. Fourmi. Quand y'en a pour mi. Soulève que du lourd par les fourmis. L'album les a poussés dans les orties. L'album va les pousser dans les orties. L'album va les pousser dans les orties. Numéro 1 sur iTunes avant la sortie. Numéro 1 sur bitume devant n'importe qui. Mon rap est la rue toujours à sortie. Tu peux toujours jalouser devant ton ordi. T'avanceras jamais plus vite que Nordi. J'en tiens mes foutres, rendre le MCZ d'aller tirer sur ses loupettes. Reste pépère, on prend les pépettes. Le reste nique sa grand-mère, l'hypopète. Wesh, la rue, zen ou quoi? J'parle aux vrais qui sont concernés. Laissez-les croire qu'ils vous ont cerné. Mais laissez pas ces salopes vous berner. J'suis l'ennemi qui veulent tout savoir. Pourtant j'ai pas trouvé la voie. J'prétends pas tout savoir. C'est chacun pour sa voix, chacun pour sa poids, chacun pour sa gloire. Trou de boulette sur le Lacoste. Prends nous la vie par assez cool, cool. Miller, on était sur les coups. Et on les fondait sur les coups. Le gars, c'est le réchaud. Le chat sur le réchaud, machette flow, le chat sur le réchaud, HP Land, le chat sur le réchaud, mais chat sur le réchaud, écoute ça, le chat sur le réchaud, la barbe ça fait, ouais je me fais, le chat ça fait, machette flow, le chat sur le réchaud, j'étais qu'un petit négro, le hall E ma kécho, paro, mineur j'ai le barreau, très vite c'est un tarot, très vite ça dans les tarots, truc, aïe, Mais Junior, Mais Barbus 9-4 est là. Pense à la Manino Bonne qui est là aussi. BL au Coro, ils sont là. Salam à tous les frères. Salam à tous les gars. C'est Mikey. Vous êtes là. Salam à tous les frères de Cochin. Salam à tous les frères qui supportent à BLO. Salam à tous les frères de la région centre. À tous les gars en chien. Salam à tous ceux qui font des sous. Et allez chercher ce putain d'album. Miraculé dans les box. Allez chercher ça, les gars. Pour nous. Miraculé. C'est chaud, ma gueule. C'est chaud, ma gueule. Ils sont doués ou pas? À l'instant, en live. Donc, le morceau qu'on retrouve sur l'album Miraculé, d'ailleurs. Ils sont fourmis. Doués ou pas? Ils sont forts. Je te pose une question. Ils sont forts. Et il y en a d'autres, hein. Putain, on est beaucoup, frère. Voilà. Koro, Nino Brown, que vous retrouvez donc. Koro, Nino Brown, qu'on retrouve. Il y a eu Mace du 9-4 aussi qui est là. Qui a participé à mes projets précédents dans Tout ça pour un quoi. Et voilà, c'est un petit frérot, il est là, il nous suit, il est avec nous, il y a Fouille. C'est la Manino qui s'est déplacé de Blois, c'est Makuro, c'est des vaillants, et c'est des vrais hommes. Et tiens, j'ai un petit truc à te dire, là, je crois qu'il a fini, Douas. En effet, Douas, tu as fini. Douas, le t-shirt est donc fini pour ceux qui ont les images, sinon on mettra les photos. Sur skyrock.fm, vas-y, Momo, fais-nous un zoom. Quel talent, 24 carats sur les carreaux, fais voir. En l'espace de 40 minutes, quoi, 44 minutes. La caméra elle est sur moi ou pas là? Là, on va te la mettre, on va te la mettre dessus. On va te la mettre, j'aime pas trop ces mots là moi. Tu vas te calmer mon pote. À la ressemblance. Noumouké il est là cousin. Voilà, c'est donc, le travail du frérot. Voilà, la caméra est posée sur toi. Là c'est Doise, voilà. Voilà donc. Doise, le t-shirt est fait. Qu'est-ce qu'on fait du t-shirt? Tu le gardes ou est-ce qu'on l'offre demain par exemple? Tu sais quoi, j'ai reçu un message de ma femme là, elle m'a dit il est pour moi le t-shirt. Ah, okay. Jamais, mais je pense qu'elle va gagner comme d'habitude. Donc elle a gagné d'avance. Salam à Moha, salam à Kenza aussi qui nous écoute, salam à tous les frérots. C'est un t-shirt. Doise, où est-ce qu'on peut retrouver tes réalisations aussi? T'as une adresse internet? Sur Facebook tout simplement, vous tapez Doise, D-W-A-S et vous me retrouvez. Voilà. D-W-A-S pour retrouver ce qu'il fait. Et puis les images, nous on mettra aussi sur skyrock.fm les photos pour ceux qui nous écoutent juste à la radio. Donc c'est un joli t-shirt dessiné en 40 minutes. T'as vu, je suis dans l'art maintenant. C'est lourd ou pas? C'est magnifique. Je vais mettre ça chez moi. Là bien. Merci frérot Doise, voilà. Voilà. Allah bien, grand merci à toi. Et allez cliquer sur sa page pour retrouver justement un petit peu le taf de Doise qui était là avec nous. Parce qu'il mérite, voilà. Il mérite fort. On finit avec un morceau avant de se quitter? Niro. Ouais, on finit avec un morceau, je sais pas. Est-ce qu'on peut brancher le micro? Moscou, est-ce que t'as. T'inquiète même pas, frère. Est-ce que t'as l'instru de. T'inquiète même pas. Ouais. Bah vas-y, on voit. Ah, tu veux le faire en live? Bah ouais, attends, mon frère. Merveilleux. On va gêner, mais on va le faire tous ensemble, tous ceux qui le connaissent. C'est la PBO, frère. C'est vrai, ok. Donc PBO dans le métier, c'est le playback orchestre. Exactement. Ce qui veut dire qu'on peut avoir parfois des petits bacs par-dessus. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. C'est très bien. C'est les morceaux qu'on utilise sur scène. Et pour celle-là, j'aimerais faire une dédicace pour Anas, pour Edmond. Edmond, voilà, qui, voilà, Edmond qui est là sans relâche. Laisse tomber. Non, le doggy. Numéro 1, le doggy. C'est une là. Machine. C'est une machine de guerre. Johnny. Edmond, c'est Johnny aussi. Johnny Brasco, il est là. Johnny Brasco, Bad Cop. Johnny voilà. Edmond et Smouy, frère. Mais je voulais préciser que Edmond, parfois dans l'émission cette semaine, on a pas mal entendu Jean. Au fond, allez dans le fond. C'est un keuf, ça. Edmond, a.k.a. Gramoun. Gramoun, doggy dog. Allez, c'est parti pour le live maintenant. Pour la suite du live. Au nom du pèse, Jamel va te fonder. Au nom du pèse, du fils et du saint bénéfice. Fuck le game depuis, on est loin de l'époque. Je fais des miraculé, miraculé. Faut pas à tous mes ventriloques que c'est marionnette. J'suis malhonnête. Yeah. Miraculé dans les bacs, triple dans chercher. La maison, K.O.R.O, Nino Boy, fais à tous les frais de BLO, Orly, 9-4, à tous les frais du 9-3, du 9-5, 9-4, Miraculé, 7-7, 7-8, 7-5, tout le monde avec moi là, fils de pute, sors ton album, je pisse dessus, depuis mon arrivée la concurrence n'existe plus, je suis le cheval sur quel on mise le plus, rebeu. Laisse-les parler, laisse-les faire. J'perce les vrais, j'ai pas percé frère. J'perce les verts, gagne toujours quand j'suis censé perdre. On va t'allumer comme Prosper dans la mentale. Pour nous y'a pas de grosse paire, pas de repère pour les sales gosses perdus. On prépare notre coup, laisse le bracos faire. Laisse le bracos faire. Tu me verras plus sur la stratosphère. À force de sucer, avaler toute la terre. Ils vont chez du riz ou des boîtes aux. Avant t'aimais pas maintenant t'adhères. Quand t'es sérieux, t'as ramassé ton peut-être flow par terre, tu prétends faire mieux, t'es pourtant pas vieux. T'as plus de souffle, mais tu manques pas d'air. Bad Mini, je suis pas ton idole. Nal Chétan, j'arrête pas de m'isoler. J'arrête pas de m'idoler, j'arrête pas à rigoler. Tes masques qui sortent de mon cerveau brûlé. Dehors, on m'a dit, elle est reculée. Est-ce que t'as affaire qu'ils aillent se faire enculer par Lucifer? Y'a trop de rats, il faudra s'y faire. En vrai, faut que leur mère et leur petit frère tuent. Qui nous respectent pas, ça c'est leur problème. Moi le mien c'est faire de l'oseille. On vient d'en bas, forcément on vise les sommes les plus confortables. T'inquiète même pas, encore heureux dans nos putains de cerveaux pour encore stable. T'inquiète même pas, toujours insortable. Pour être calibré, pas besoin de port d'armes. T'inquiète même pas, arme de guerre, arme de poing, tout est abordable. T'inquiète même pas, tu crois nous avoir en tête. T'inquiète même pas, on va créer tout la tête. T'inquiète même pas, gros son sur le périphérique. T'inquiète même pas, gros son sur le périphérique. T'inquiète même pas, ils veulent savoir combien on pèse. T'inquiète même pas, l'album est vraiment obèse. T'inquiète même pas, flow plus rare que les comètes. T'inquiète même pas, trop lourd, tiens nos promesses. T'inquiète même pas, je me raconte pas quand je dis que je suis meilleur que toi. Je fais juste un constat réel. Mon flow a fait des beaux enfants, leur mère la pute refuse de faire un destin. Salutations, je me présente plus. J'ai marqué mon temps, je sais qu'ils sont pas contents. Cette pute m'a dit qu'on m'entendait plus, mais qu'on m'attendait plus que ce putain de beau temps. À trop vouloir faire le mec a touché mon chlasse. Va t'arracher tout ton charme, mon chasse. Pas dans le même genre de jungle urbaine. Pas les mêmes guerres, pas le même genre de char. L'argent fait pas le bonhomme. Crois pas que t'en es un parce que t'en fais plus. Tu veux ma chute? Mets-toi dans la file d'attente ou nique ta dent. La début. Bientôt il sera trop tard pour négocier. Ils sont pas contents de voir NIR au brillant. On fait pas la bise en montant. Quand on biffe en même temps, on se va oublier d'investir dans l'immobilier. J'ai assumé tous, toutes mes stories vieilles. Fille, tous mes amis sont vulgaires. Vive, fuck tous mes ennemis, paye. Fils, enchaîne les sèdes, pompe les sèdes. Fils, sans domicile et sans idée. Fils, je leur souhaite la mort sans hésiter. Fils, juste un 16 et leur vider. Fils, la rue, la vraie, je sais qu'elle était infidèle. Zama, ils sont des terres bizarrement. Un coup de chasse dans les ligaments. C'est plus des gangsters, évidemment. Forcément. mort vise les hommes les plus confortables. T'inquiète même pas, encore heureux dans nos putains de cerveaux, on est encore stable. T'inquiète même pas, toujours insortable pour être calibré, pas besoin de port d'armes. T'inquiète même pas, arme de guerre, arme de poing, tout est abordable. T'inquiète même pas, tu crois nous avoir en tête. T'inquiète même pas, on va créer tout leur intérêt. T'inquiète même pas, gros son pour les enfants terrestres. T'inquiète même pas, gros son sur le périphérique. T'inquiète même pas, ils veulent savoir combien on pèse. T'inquiète même pas, l'album est vraiment on pèse. T'inquiète même pas, flow plus rare que les comètes. T'inquiète même pas, trop lourd on tient nos promesses. T'inquiète même pas, on est du père, du fils, bénéfice tout le monde. Fuck le game, depuis on est loin de l'époque où je faisais les fils. Hey, je suis malhonnête, malhonnête, malhonnête. Compare pas tous mes ventriloques et ses marionnettes. Prends les arts, je suis malhonnête. Mais acculé dans les bocs, laisse-les parler. Compare pas tous mes ventriloques et ses marionnettes. Prends les arts, faire la Dream Team, on vous voit. Belle ou Yahes, bien tous les frères qui soutiennent. Zoulou, t'inquiète même pas. Allez chercher le CD. En live, dans les bacs, mon ami. En live, à l'instant. Père Démon qui est venu. Père son petit qui est là. Tiens, on va faire parler petit. T'inquiète même pas. On l'a déjà entendu rapper ici à l'antenne, c'est, il est fort. Et comme la vérité sort de la bouche des petits, il va conclure le Planète Rap. Ça va? Ouais. Petit dédicace, un petit message. Ouais, dédicace à Nourou Baguera, section des hits. Et bah voilà. Bah merci à toi, merci. 9-4 représenté. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui nous supportent chaque jour qui passe. On vous remerciera jamais assez, comme je vous dis souvent, c'est pas de la fausserie, c'est pas des trucs de faussaires. Paix à vous tous. Miraculé dans les bacs, je vous invite à aller chercher. Qu'on encule les scores pour de vrai. Et qu'on arrête de parler pour rien. Qu'on arrête de m'envoyer des messages pour rien. Supporter pour de vrai ou garder vos messages. Voilà. Paix à tous les frères et sœurs qui supportent. Paix à tous ceux qui sont là avec nous. Je lève ce verre à votre santé. Et puis qu'Allah vous guide tous. Et vas-y, salam alaykoum les frères. Merci Niro, fais tourner la roulette rapidement. Salut Justine, ça va bien Justine à Beaumont-le-Roger? Oui. Eh bien bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va, on l'annonce tout de suite. Carrément. Allez, c'est parti dans une ambiance survoltée ce soir. C'est Coupe du Monde dans le studio ici. Hein. Ah, il fait chaud. Ah, Faut être direct dans la maison. Et la roulette qui va s'arrêter juste dans la maison. Pour toi sur la Choisis case. C'est les places pour aller voir Black M en concert. C'est pour toi, il y en a deux Justine. Nickel, merci. Zénith de Rouen le 7 novembre prochain. Super. Bisous, passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Vas-y, on voit. Allez. Une petite dédicace à ma petite sœur Chloé qui vient de passer son code aujourd'hui. Ah bah, bravo Chloé, elle va pouvoir te balader un peu partout. Sarkey Chloé, paix à tous les frères de Villeneuve-le-Roi, paix à tous les frères de Villejuif, paix à tous les frères du 9-4, paix à tous les frères de Blois. Merci à vous tous. Merci à Nino Brown qui est passé ce soir à Coro. À Douas pour le dessin sur le t-shirt. À Demo One qui était là. Et à l'équipe de Street Lourd. Et on va finir sur ce mot-là. Paix à tous les frères incarcérés. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Niro. La santé les frères. Ouais, je comprends. On va retrouver Tiffy. Amarekoum les frères, les gars. Ah Romano, salut, ça va? Bah ça va et toi? J'ai entendu le belge aussi ou pas? Non, c'était Samy. Ah merde. Eddie Foulet est en voiture. Ah. Oui, je suis au milieu des pompiers. C'est la fête de la Coupe du Monde. Wow. Oui. Mais tu es au Brésil? Je suis au Brésil. Tu viens d'arriver à Sao Paulo. Au Brésil, rue Étienne Marcel. Ouais. Marcel. Et voilà, avance mademoiselle. Hop là. Ah, avance mademoiselle. C'est parti, c'est la teuf. C'est marrant parce qu'il y a plus de maillots du Brésil que de maillots de la France dans les rues là. Bon, parce que c'est le Brésil qui joue ce soir. Peut-être, il y a des maillots jaunes de partout. Dimanche, ça sera les bleus. Bah ouais, dimanche, tous derrière les bleus. Oui, ben j'espère parce que pour l'instant c'est un peu inquiétant, tu vois. Brésil. Mais on aime bien les Brésiliens en même temps. Brésil. Ouais, ça fait plaisir. Vous avez vu, on met l'ambiance un peu que les gars. Bah, j'entends, c'est une véritable ambiance. Oh, ça là, franchement, au stade. Là, c'est le Maracana. Là. Nettement mieux que l'ouverture de la Coupe du Monde. Encore plus fort. Alors, c'était comment l'ouverture? Si vous l'avez vu d'ailleurs, vous qui nous écoutez, dites-nous comment c'était. Ouais, j'ai vu quelques images, j'ai vu le décolleté de Gilo, ça paraissait plutôt sympa. Le cul de Gilo était comment? Assuré, bah, bien toujours. Aussi, toujours, non, très bien, mais. Sinon, c'était le seul truc bien, gros. Ouais, c'était le seul truc qui paraissait bien. Sinon... Bah, dites-nous comment c'était, ceux qui l'ont regardé en tout cas. Je sais pas si vous l'avez regardé. Ah, bah, moi, j'ai vu des messages justement arrivant en disant putain, c'est beaucoup mieux d'écouter Niro que de mater l'ouverture de la Coupe du Monde. Ah, bah, moi, j'ai écouté Niro dans la voiture. Mais j'ai pas, il y a eu plein de messages comme ça, donc a priori ça devait pas être non plus. Là c'était pété gros. Ouais, ça devait pas être le truc. Mais en fait ils avaient pas branché le son, tu vois, donc tu voyais des mecs danser habillés en plantes, tu vois, et tu comprenais rien. Habillés en quoi? En plantes. Ouais, en arbre. Et ouais, parce que c'est genre l'Amazonie, tu vois, donc ils ont fait un truc. Ils ont fait un truc écolo un peu. Allô? Ah, je crois que nous avons perdu 10 foules. Kidnappé par les Brésiliens. Ah, bah, s'il fait le tour des Brésiliennes, il est sûr qu'il est Étienne Marcel et pas au bois. Il est avec moi. Ah ouais. Il est venu en camionnette, quoi. Il est parti fêter le Brésil, 10 foules. Allô? Oui, pardon, excuse-nous. Oui, on est toujours là, nous. Donc là, tu approches de porte-maillot, en fait. C'est ça, tu viens. Non, Bois de Boulogne. Tu viens de tout de suite, alors. Là, c'est rue Grenetta. Il y a du public pour Niro, hein. Niro, il y a du monde pour toi. Il y a du monde. Voilà. Très bien. Vous venez voir Niro? Tu viens voir Niro? Non, je ne viens pas te voir. Ouais, c'est Niro. Maintenant, c'est pas moi, hein. On m'a pris pour Niro, tiens. Niro, t'attends. C'est vrai que c'est très ressemblant, dis-moi. Ouais, vous ressemblez. Oh, mais grave. Il y a un truc. Bon, je sais, à tout de suite. Bon, ben, à tout de suite, alors. À tout de suite. Eh ben, Fredo, à demain. Eh ben, oui, j'y vais, moi. Eh ben, oui, nous, on va faire la Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'on va faire, mais. On t'envoie, quoi. Ah, copain, les bandos. Romano. Oui, Fred. Tu m'avais pas dit une saloperie ce matin, et qu'il faut que je vienne vite fait te voir? Oh, mais on va pas se battre, c'est la Coupe du Monde. Ah, c'est vrai. Fraternité entre tous. Peace and love. Bon, du coup, on a définitivement perdu. Là. Perdu. Allez, voilà, là, je pense qu'il est en bas, il va arriver. Là. On a le temps de mettre quelques pubs et puis on arrive. Hein. Ok, un petit son, tu mets un petit son ou... Ouais, on va voir ça, oui. D'accord. Je vais peut-être chanter directement. La samba, non, on va mettre la samba. Ok, pub et l'arrivée de Diffoul dans un instant. On arrive. À toutes. À toutes, ciao. Ciao, Fredo. Envie de mater la Coupe du Monde.